Bonjour à tous. Alors, on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Et en fait, je vous invite, si c'est possible, hein, tous ceux qui sont au fond, de vous approcher, s'il vous plaît. Françoise, Thomas, Danette, Linda, Mégny. Voilà, si vous pouvez vous remplir les premiers rangs, voilà. Alors avant de commencer, vous pouvez même vous rapprocher encore plus. Hein. Ouais. Je vais vous inviter à prier avant de commencer. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette bénédiction de pouvoir être présent ici, de te rendre un culte. Parce que Seigneur, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Seigneur, maintenant, je te prie que tu puisses ouvrir nos oreilles, notre cœur, que nous soyons attentifs à ta parole, que cette parole puisse porter du fruit, que cette parole également puisse être méditée et puisse être partagée. Je te remercie, Seigneur, pour qui tu es, pour ton amour, ta grâce immense. Tu nous aimes tous, et tel que nous sommes, Seigneur. Tu viens vers nous tel que nous sommes, Seigneur. Je te remercie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a quelques jours, la plupart d'entre nous, on était au campus et le thème était « Dieu t'a mis à part ». Et pour ceux qui ont l'habitude d'aller au campus, vous avez remarqué que les recueillements personnels étaient beaucoup plus costauds que d'habitude. C'est-à-dire que les années précédentes, quand on faisait le recueillement personnel le matin, on avait souvent, ça se résumait à 4 lignes, on avait une ligne sur les passages à lire et 2-3 questions. Et là, avec Oral, le pasteur Oral, on avait l'équivalent de 2 pages entières à lire. Et à travers les recueillements personnels, il y avait 3 idées qui étaient présentées, qui sont « venez »,« demeurez » et « allez ». Ces 3 impératifs peuvent résumer la vie chrétienne sous la forme d'un cycle qui se répète. Et aujourd'hui, en fait, on va débuter une série de 3 messages qui suit ces 3 idées, venez, demeurez, allez. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est venez. Et pour traiter ce thème, je vous propose en fait de se concentrer surtout sur un verset qui est dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors mon message va se diviser en 3 parties. D'abord, on verra qui est l'auteur de cette invitation, à qui est destinée cette invitation, et enfin, quel est ce repos que l'auteur nous propose. À quoi ressemble le repos? Alors, depuis 2009, un restaurant fast-food américain très connu qui a utilisé un slogan que peut-être vous avez déjà vu, qui est « Venez comme vous êtes ». Et on peut imaginer, je vous demande de sortir dans les rues et de faire un petit quiz auprès des gens, des passants. Vous leur demandez, d'après vous, quelle entreprise a utilisé le slogan « Venez comme vous êtes ». Et je pense que vous l'avez tous vu une fois, au moins cette publicité depuis. C'est le slogan de McDonald's depuis 2009, qui est donc le slogan utilisé par McDonald's. Imaginez, on pose une deuxième question, on pose aux gens dans la rue. Devinez qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Si on ne connaît pas la Bible, ça risque d'être très compliqué de répondre à cette question-là. On peut imaginer entendre plusieurs réponses. Peut-être des personnes croiront que c'est un slogan pour une entreprise de vacances ou une entreprise dans l'hôtellerie, ou bien pour un salon de massage, un club de yoga, ou carrément peut-être une secte. Et pour connaître l'auteur en fait, de cette invitation-là, il faut lire ce verset-là dans son contexte. Je vous propose de lire le chapitre 11 à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc l'auteur de cette invitation, c'est Jésus. Bon, il n'y a pas un grand suspense, je pense que vous connaissez tous ce verset-là et vous le savez. Et au verset 27, donc le verset précédent, Jésus déclare que Dieu le Père lui a donné toutes choses. Alors il y a certainement beaucoup d'interprétations sur qu'est-ce que ça veut dire « toutes choses ». Et en fait, je ne veux pas vous dire mon interprétation, mais je pense que dans ce passage-là, dans ce verset-là, il faut surtout porter notre attention sur la relation exceptionnelle que Dieu le Père a avec Jésus, son Fils. Parce qu'ici, en fait, Jésus déclare clairement qu'il est le Fils de Dieu. Alors, dire être le Fils de Dieu, c'est dire, en fait, qu'il est de la même nature que Dieu, qu'il a les mêmes caractéristiques. Ce n'est pas rien de se déclarer fils de quelqu'un, fils de Dieu surtout, à moins d'être de la même nature, de même nature divine. En fait, c'est choquant de dire ça. C'est pour cette raison-là qu'à plusieurs reprises, en fait, les pharisiens ont voulu accuser Jésus de blasphémer chaque fois qu'il disait qu'il était, par exemple, lorsqu'il pardonnait un péché ou lorsqu'il se déclarait comme étant le Fils. Et bien plus que blasphémer, en fait, l'accuser de blasphémer, il y a un passage où dans Jean, chapitre 10, verset 33, qui dit que même certains voulaient le lapider. Je vous lis le passage, c'est au verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Là, dans ce contexte-là, c'est Jésus qui guérit un aveugle, et ensuite qui déclare plein de choses sur qui il est, et les pharisiens, les juifs, certains sont choqués et veulent le lapider. Jésus et le Père sont de même nature, ils ont les mêmes caractéristiques, mais sont des personnes distinctes. Ils n'ont pas les mêmes rôles, ils ont des rôles différents. Et là, on parle évidemment du mystère de la Trinité. Il y a également une autre révélation importante que Jésus dit de lui et qui peut être déstabilisant. Personne ne peut connaître Dieu le Père si le Fils ne veut le révéler. C'est-à-dire qu'ici, il y a deux grandes vérités. Jésus est le seul chemin pour connaître Dieu le Père. Et le salut de l'homme dépend de la volonté du Fils. Il y a là encore un autre mystère, en fait, on va loin, hein. Je vous parle de mystère, c'est-à-dire qu'ici, en fait, on peut parler de... Alors, il y a également beaucoup de débats sur ce sujet-là. En fait, l'idée de la souveraineté de Dieu et du libre arbitre de l'homme pour son salut. Dans la Bible, on lit, il y a énormément de passages où clairement Jésus dit que quand quelqu'un pêche, il est responsable de son péché. Mais en même temps, on lit que le salut de l'homme dépend de Dieu. Dans ce même chapitre, ce chapitre 11, il suffit juste de lire par exemple le verset 23, où Jésus dénonce l'incrédulité et l'endurcissement de la ville de Capernaum. Il dit « Et toi Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » Donc là ici, Jésus il condamne bien que en fait, tout ce que nous faisons de mal, nous sommes responsables, nous avons cette liberté-là. Et là, c'est étrange de lire également que, en fait, pour connaître Dieu, il faut également que le Fils le veuille. Alors, il y a différentes interprétations, hein. On va pas s'attarder dessus. Simplement, pour ceux qui s'intéressent à cela, il suffit de faire des recherches sur le calvinisme, par exemple, ou l'arminianisme, qui a en fait différentes interprétations sur ce qu'est la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme, et comment cela peut être mis en parallèle, comment cela peut fonctionner ensemble. Et dans ces deux grandes interprétations, il faut savoir, il y a encore d'autres variantes, il y a plusieurs sous-variantes, il y a vraiment de nombreuses manières d'interpréter ce que j'appellerais ce mystère-là de la souveraineté de Dieu et du libre arbitre de l'homme. Jésus est le seul chemin et il se révèle à qui il veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de connaître Dieu, le Père, que de passer par Jésus. On ne peut pas passer par un prophète qui s'appellerait Mahomet, ou par la Vierge Marie, ou par une autre personne. fait, le christianisme, dans le christianisme, il n'y a pas d'universalisme. Cette semaine, lundi soir, je suis allé voir Frédéric. Donc, vous savez que Frédéric était à l'hôpital. Donc là, il est rentré à la maison et puis ensuite, ce soir, il va retourner à l'hôpital. Et habituellement, Frédéric, il a la chance, entre guillemets, la chance d'avoir une chambre à part, une chambre seule. Donc, il n'a pas de voisin. Et là, cette fois-ci, il y avait une urgence. Et au début, quand il était allé, il n'y avait même plus de place. Et quand il est allé une deuxième fois, on lui a proposé une place, mais avec un voisin. Donc, sa chambre était partagée. Et donc, je suis allé le voir. Et à la fin, on a parlé de l'église, du campus, on a prié ensemble. Et à la fin, au moment de quitter la chambre, il y a son voisin qui nous interpelle et qui nous dit « Excusez-moi, j'ai des problèmes d'oreille, j'entends mal, mais j'ai cru entendre des paroles de Christ. Vous êtes chrétien ?» Et moi, je suis tout content. J'ai dit « Oui, on est chrétien. On est chrétien. » Et lui aussi, il a un cancer, donc il est alité, et puis il ne peut pas bouger, il a une fracture du bassin. Et il me dit « Moi aussi, je suis chrétien. » Et là, moi, je suis tout heureux. Je voulais taper la discute, je voulais rester avec lui, j'étais tout content. Et après, moi, je lui ai posé il a commencé à me dire, lui, il est chrétien, mais on ne le considère pas trop comme un chrétien. Et alors, je voulais savoir, mais pourquoi ? Est-ce que, parce que c'est peut-être un catholique qui est devenu protestant, ou je ne sais pas, il a peut-être changé de dénomination. Et après, il me dit, en fait, je suis franc-maçon. Alors là, moi c'est la première fois que je rencontrais un franc-maçon. Et là, je voulais rester avec lui pour discuter, pour savoir, mais en fait, c'est quoi la différence entre... C'est quoi exactement ? En quoi vous croyez exactement ? Et donc, on commençait à discuter. Il m'a dit qu'il a beaucoup voyagé. Il est allé en Chine. Il est allé dans une église chinoise une fois. Il y avait à peine 15 personnes, mais il sentait Dieu, la présence de Dieu. Il était touché. Et après, il a commencé à me parler de Qigong. Et là, je me suis dit, mais pourquoi vous me parlez de Qigong ? Il y a un rapport avec la Bible. Et il a commencé à me dire, si, il y a un rapport, il y a une forme d'ésotérisme, tout ça. Je me suis dit, là, ça commençait à devenir bizarre, là. Et je voulais encore discuter avec lui, mais là, il y a son appel, il y a son téléphone qui a sonné, il y a sa femme qui l'a appelé. Du coup, on a dû couper la discussion. Et j'ai commencé, tout de suite, j'ai envoyé des messages à Oral, à lui dire, Oral, c'est les francs-maçons, en quoi ils croivent tout ça ? Il m'a envoyé plein de liens, j'ai commencé à lire. Et en fait, les francs-maçons, alors, je dirais que les francs-maçons ne croient pas tous la même chose, mais il y a un principe qui est l'universalisme. C'est-à-dire que pour eux, en fait, les francs-maçons, toutes les religions sont égales et mènent à Dieu. En fait, toutes les religions sont comme un chemin qui mène vers le grand créateur de tout l'univers. Pour eux, c'est un peu comme si le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le qigong, tout ça, c'est un peu des moyens, des chemins comme ça, parmi d'autres. Mais sauf que si on ne connaît pas la Bible, on pourrait croire que le christianisme, c'est une religion d'amour comme une autre qui présente un moyen d'atteindre Dieu. Mais ici, on voit bien que Jésus dit clairement qu'il n'y a pas plusieurs moyens pour venir à Dieu. Le christianisme n'est pas universaliste, mais il est exclusiviste. Et être tolérant à d'autres religions ou à d'autres croyances, en fait, c'est finalement ne pas accepter, ne pas considérer que Jésus est le seul chemin, qu'il est le chemin à la vérité et la vie. Alors, à qui est-ce que Jésus s'adresse ? À qui cette invitation est adressée ? Est-ce qu'elle est adressée à tout le monde ? Alors, j'irai oui et non. En fait, pour comprendre à qui l'invitation est adressée, il faudrait, avoir des indices, en fait. Pour mieux comprendre, il faudrait lire, en fait, le verset 25, qui dit « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Si on prend ce verset dans le sens littéral, on voit ici, encore une fois, la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se révèle à qui il veut et il se cache à qui il veut. Et Jésus loue le Père car il a préféré se révéler aux enfants plutôt qu'aux sages et aux intelligents. Alors dans le sens littéral, si on le prend comme ça, c'est également difficile à comprendre. Parce que pour connaître Dieu et ses mystères, on peut imaginer qu'il faut avoir une certaine intelligence, une certaine sagesse, qu'il faut avoir de l'expérience, être pieux, être respectueux de la loi, connaître parfaitement la loi. Mais en fait, bah là, ce que Jésus dit, et puis il loue Dieu pour ça, bah de, que Dieu en fait, a fait connaître, s'est fait connaître par les, pour les, aux enfants. Alors donc, évidemment, il ne faut pas le prendre dans le sens littéral, mais il faut se poser la question, qui sont les enfants ? Et on peut lire dans Matthieu chapitre 19, pour savoir qui sont les enfants. En fait, on parle beaucoup, Jésus parle des enfants. Au chapitre 19, les disciples demandent à Jésus qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et Jésus, il appelle un enfant, il place un petit enfant et le place au milieu d'eux. Et il dit au verset 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et plus loin, au verset 14, dans le même chapitre, il dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » L'enfant, c'est, par rapport à l'adulte, hein, c'est l'être le plus fragile, en fait. C'est l'être le plus faible physiquement. C'est l'être qui est souvent la plus humble, la plus sincère, la plus obéissante, en tout cas plus obéissant que l'adulte. Là, on peut considérer comme plus innocent. En tout cas, même si je ne dis pas que l'enfant est sans péché, mais en tout cas, il est plus innocent que l'adulte et il a moins l'expérience du péché que l'adulte. L'enfant, généralement, il ne cherche pas le pouvoir à s'élever au-dessus des autres, à vouloir dominer ou oppresser les autres. Il est surtout, généralement, il est surtout très dépendant de ses parents. Par exemple, un nouveau-né, quand on voit un bébé, on sait qu'il est complètement dépendant de ses parents, il n'est pas autonome. Donc l'enfant se soumet généralement très volontiers aux parents. On peut imaginer qu'à l'époque de Jésus, les enfants, j'ai envie de dire que les enfants rois n'existaient pas. Sûrement les enfants respectaient tous ceux qui étaient la génération, les personnes plus âgées. Donc Jésus loue Dieu qu'il se révèle aux plus humbles. En fait, ça veut dire ça. Qu'il est révélé aux enfants, c'est que Jésus, en fait, il loue Dieu qu'il se révèle aux plus humbles, à ceux qui reconnaissent leur faiblesse et leur besoin d'aide. Alors, on peut également se poser la question, qui sont les sages et les intelligents ? Si on lit dans le livre des Proverbes, alors, le sage et l'intelligent, en fait, il est mis en opposition à l'insensé. Le sage et l'intelligent, c'est celui qui craint Dieu. Mais dans notre contexte, là, dans notre cas, quand Jésus parle des sages et des intelligents, je pense qu'en fait, il ne désigne pas ceux qui craignent de Dieu, mais il désigne plutôt ceux qui font davantage confiance à leur propre intelligence, qui sont surtout orgueilleux de ceux qui savent de leur connaissance, de leur intelligence. Je pense en particulier, il accuse ici en fait, surtout les pharisiens et les docteurs de la loi. Alors, quand on lit que Dieu a caché certaines choses, on peut voir également que ça paraît également contradictoire avec le ministère de Jésus. Parce que quand on voit comment Jésus agissait, il prêchait à tout le monde, ses enseignements étaient publics, il faisait des miracles devant tout le monde. En fait, il ne se cachait pas. Il ne prêchait pas dans des lieux secrets. C'est différent de, comme je vous parlais, de la franc-maçonnerie où tout est secret, tout est caché. Et je pense qu'en fait, c'est l'orgueil de l'homme qui aveugle et qui rend les enseignements de Jésus cachés. Et son invitation donc, à venir à lui, elle est pour tout le monde, pour tous ceux qui ont un cœur humble d'enfant et qui reconnaissent être chargés et fatigués. Alors, on peut se poser beaucoup de questions sur ces versets-là. Qui sont les personnes, en fait, de quoi est-ce que les personnes sont chargées et fatiguées ? Est-ce qu'ils sont chargés et fatigués physiquement ? Dans le contexte de Jésus, même jusqu'à aujourd'hui, depuis la chute, la Bible dit qu'on doit tous travailler de manière pénible. Et dans le contexte de l'époque d'Israël, en fait, Israël était sous occupation de l'Empire romain. Donc en fait, le peuple juif avait certaines obligations, comme par exemple, ils étaient obligés de payer des impôts, des taxes à l'Empire romain. Si par exemple, ils étaient même soumis aux soldats, c'est-à-dire que si un soldat demandait à un juif de porter une charge et de l'emmener sur un kilomètre, ils étaient obligés de le faire. Donc on peut imaginer que peut-être, Oui, en tout cas, c'est une réalité. Ils étaient fatigués, ils étaient chargés physiquement. Mais ils étaient, on peut le dire également, ils étaient. Est-ce que c'était pas uniquement physique, mais également moralement? C'est-à-dire qu'en plus d'être fatigués, lorsqu'ils se réunissaient dans les synagogues le jour du sabbat, bah, ils écoutaient les chefs religieux qui, eux, en fait, étaient très stricts et difficiles avec le peuple. Ils n'hésitaient pas à faire culpabiliser le peuple de leurs péchés. Et Jésus est très sévère en fait, envers les pharisiens et les scribes. On peut lire par exemple dans Matthieu au chapitre 23. Jésus parle à la foule et dénonce en fait la méchanceté des pharisiens et des scribes, ce qui, en fait, leur manque d'amour, et surtout leur façon de rajouter des commandements en plus pour accabler davantage le peuple. Au verset 33, au chapitre 23, Jésus dit « Serpent, race de vipère, comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer ?» Donc vraiment, c'est aux yeux de Jésus, les pharisiens et les scribes faisaient vraiment pas leur... ils n'accomplissaient vraiment pas leur mission de faire en sorte que le peuple s'approchait davantage de Dieu. Mais en fait, les poussaient même des fois à dévier. Dans Luc, chapitre 11, versets 37 à 53, on peut lire que Jésus il est invité à manger chez un pharisien. Et il est au milieu de nombreux pharisiens et de scribes. Et là encore, il dénonce leur méchanceté. Il n'hésite pas, je vous laisse le soin de lire ça chez vous. C'est vraiment très sévère ce qu'il dit sur les pharisiens. On peut imaginer que le peuple donc était fatigué physiquement par l'Empire romain et moralement par les pharisiens et les docteurs de la loi, par les scribes. Alors la charge qui est liée au repos, en fait, elle est liée au repos que Jésus offre. Donc pour connaître quel est le repos que Jésus offre, il faut lire les deux derniers versets de ce chapitre. Qui dit « Prenez mon joug sur vous ». Je relis le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Alors quand on pense au repos, cela peut évoquer plein de choses, beaucoup de choses. Alors pour certains, je ne sais pas vous, se reposer, c'est égal à dormir plus. Ou se reposer, c'est aller en vacances. Ou se reposer, c'est se détendre. C'est arrêter toute activité fatigante. Et Jésus promet le repos pour ceux qui viennent à lui. Mais quand on lit ces versets-là, en fait, le repos que Jésus propose, en fait, ce n'est pas le repos qu'on peut s'imaginer. Ce n'est pas d'arrêter toute activité. Alors, ça peut paraître même contradictoire parce que Jésus, en fait, il donne le repos en retirant notre joug pour en mettre un autre plus léger. C'est un peu, vous imaginez, vous portez un gros sac de riz de 25 kilos, vous êtes fatigué, on vous propose de vous reposer, mais en fait, en vous donnant un autre sac de riz, mais de 10 kilos. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça, quoi. Ça paraît un peu étrange, quoi. Comment est-ce que Jésus donne ce repos-là? Et également, on parle de joug. C'est un vocabulaire qui peut nous sembler très étranger. Le joug, c'est un mot employé en fait, pour représenter ce qui nous domine. Ça représente en fait l'autorité. Et on peut lire par exemple dans la Bible qu'Israël, dans l'Ancien Testament, était sous le joug de l'esclavage en Égypte. Donc, alors le joug, je vous décris également ce que c'est. Je ne sais pas si vous voyez, c'est en fait c'est une grosse pièce en bois qui est posée sur au niveau de la tête des bœufs pour tirer en fait un chariot ou pour labourer. Et Jésus, quand il déclare à la foule qui les invite à porter son joug, en fait la foule comprend très bien que Jésus s'élève en fait comme une autorité. Jésus propose de donner du repos en remplaçant une autorité qui nous pèse par son autorité. Il nous promet un repos qui est en fait spirituel. Il nous délivre du joug du péché pour nous donner le joug de la justice. Alors on pourrait se dire que Jésus aurait pu simplement donner du repos en enlevant le joug, mais en fait cette solution n'est pas possible. Parce que l'homme est créé, il a été créé comme un adorateur. C'est-à-dire que soit il adore Dieu, soit il adore une idole. Ça peut être ses propres pulsions ou un autre péché. Et dans Romains chapitre 6, versets 17 à 18, Paul dit dans ce passage-là que nous étions esclaves du péché, mais que maintenant avec Dieu, nous sommes esclaves de la justice, nous sommes esclaves de Dieu. Donc, le joug de Jésus est différent de tous les autres jougs. Il est doux et le fardeau est léger, car Jésus est doux et humble de cœur. C'est-à-dire que son autorité n'est pas exercée avec dureté et violence. Son autorité est justice, amour et grâce. Alors, en France, on est ici dans un pays démocratique. On n'est pas sous occupation. On n'est pas dirigé par un dictateur. Et on a pas mal de liberté. C'est-à-dire qu'on peut, si on n'est pas content, on peut facilement manifester dans les rues. Il suffit de voir le nombre de manifestations qu'il y a actuellement avec, par exemple, les gilets jaunes. Et on pourrait croire que on a beaucoup de liberté. Mais qu'on soit dans un pays libre ou totalitaire, en fait, on a tous besoin de venir à Jésus pour être libéré du joug du péché. Et quand on lit dans Apocalypse, Dieu promet une terre nouvelle, une nouvelle terre, de nouveaux cieux, où il n'y aura, moi je vous lis le verset, c'est l'avant-dernier chapitre, chapitre 21, au verset 4, il dit « Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » Donc, en fait, auprès de Dieu, toutes les personnes sauvées vivront dans la paix, dans un lieu où le mal n'est plus. Alors c'est étrange un peu comme question qu'on pourrait se poser, mais ça voudrait dire qu'en fait avec Dieu, on n'aura pas la liberté de faire le mal. Je ne sais pas si ça vous a déjà tilté ça. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas blesser physiquement ou moralement une personne, on n'aura pas l'occasion de pécher, on n'aura pas l'occasion d'être orgueilleux. Autrement dit, en fait, la vraie liberté, ce n'est pas de choisir de faire le mal ou le bien, la vraie liberté, c'est de ne plus pécher. La vraie liberté, c'est de faire la justice. Chaque homme est invité à venir à Jésus pour son salut. On a vu que venir à Jésus, en fait, c'est venir à Dieu. Jésus est le seul chemin. Et pour accepter l'évangile, pour venir à Jésus, il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut reconnaître qu'on est chargé et fatigué par le péché. Je connais des chrétiens qui, quand ils sont venus à Jésus, ils ont été instantanément libérés de grosses addictions. J'ai une cliente, elle m'a dit, quand je suis devenue chrétienne, je fumais beaucoup, la cigarette, j'ai arrêté ça instantanément. Son mari qui m'a dit, moi, quand je suis devenu chrétien, j'ai arrêté l'alcool instantanément. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle... j'ai oublié son prénom, Guillaume Bourin, qui était à Montreuil à côté. Lui, avant, il était dealer de drogue, il a fait de la prison. Il était accro à la drogue, il en consommait beaucoup. Et son témoignage, c'est dès qu'il est venu à Dieu, il a arrêté la drogue instantanément. Donc, peut-être vous également, quand vous êtes venu à Dieu, Dieu vous a libéré instantanément d'un péché, d'une addiction qui vous tenait esclave. Mais il faut savoir qu'en fait, on a besoin de revenir à Dieu, à Jésus, chaque jour vers lui. Pas venir vers lui une seule fois, uniquement pour être sauvé, uniquement le considérer comme notre sauveur. Un peu comme si, par exemple, on allait, c'est une petite comparaison, comme si on allait chez le médecin. Quand on est malade, on va chez le médecin, on prend rendez-vous, on reste 10 minutes avec lui, et ensuite, hop, on repart tout de suite. Mais en fait, Jésus nous invite, quand il nous invite à venir à lui, il ne nous invite pas à venir et ensuite repartir. Il nous invite à venir à lui pour marcher avec lui, rester avec lui, demeurer avec lui. Il faut donc venir chaque jour vers lui pour qu'il soit plus que le sauveur de notre vie, mais le Seigneur de notre vie. On ne peut pas vouloir qu'il soit notre sauveur sans qu'il soit ensuite notre Seigneur. On ne peut pas vouloir que Jésus prenne nos péchés, notre condamnation, et ne pas vouloir être mis à part pour lui. Alors, moi je vais finir en fait, qu'est-ce que c'est que d'être mis à part pour Dieu? Qu'est-ce que c'est que de demeurer avec Dieu? Alors, c'est également un message, moi, je ne m'étends en fait pas du tout dessus, mais c'est simplement pour vous, c'est des questions que l'on se pose et que vous aurez en fait la réponse la semaine prochaine. C'est le prochain message que Loïc donnera. Je vous invite à prier. Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour ce temps. Seigneur, tu nous rappelles combien il est important de venir à toi. Parce que Seigneur, tu es le seul chemin qui nous donne la vie, qui nous donne le salut. Seigneur, il n'y a pas d'autre chemin que toi. Et Seigneur, c'est une vérité que nous devons saisir tous les jours de notre vie. Seigneur, tu es venu pour nous libérer de notre péché, de notre condamnation. Et Seigneur, je prie pour que, mais Seigneur, nous ne soyons pas attirés à revenir à une vie passée, mais que nous te recherchons toi, que nous recherchons à nous soumettre à toi, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, si nous venons à toi seulement d'une manière peut-être intéressée, peut-être par la crainte de la mort, de la condamnation, de l'enfer. Seigneur, je prie pour que nous venions à toi, pas uniquement par crainte, mais surtout par amour, parce que tu nous as aimés, parce que tu nous fais grâce. Seigneur, je prie pour que nous venions à toi avec joie, Seigneur, que nous venions à toi pour te connaître, parce que nous avons, Seigneur, la vraie liberté avec toi. Seigneur, je prie pour que chaque jour, Seigneur, nous courbons devant toi et nous désirons te ressembler davantage, être transformés à ton image, Seigneur. Merci pour qui tu es. C'est ainsi que je prends ton Christ. Amen.